visage. Oh, comme ce soir. Oh, oh, Christine. Oh, mon trou de l'air, comment tu m'en prie, chérie. Oh, c'était beau. Oh, défonce mon cœur. Oh, vas-y. Oh, déchire ma cul, vas-y. Oh, vas-y, encore. Ce matin, je suis pas bien. J'ai passé la nuit à picoler comme un gueudin. Tout nu dans un lit, je sais pas où je suis. Je me demande où j'ai passé ma nuit. Je sens une masse humaine à côté de moi. J'ai encore du baiser bourré avec n'importe quoi. Je soulève délicatement les draps. Devinez avec qui j'ai couché ce coup-là. Je vois sa chatte immonde s'ouvrir sous les poils pubiens. Elle me dit bébé, tu m'as fait du bien. Elle m'attrape la tête et me la plaque contre ses reins. Je peux plus respirer, j'ai envie de gerber. Même bourré, comment j'ai pu la baiser. Elle a dû me droguer avec du GHB. Comment vais-je m'en tirer? Dans la bouche, je partage son pubis avec les poux et les mouches. Elle se lève soudain et moi je respire. T'inquiète pas baby, car je vais revenir. J'attends qu'elle se casse et je saute par la fenêtre. Putain, je tombe d'au moins 20 ou 30 mètres. C'est en boitant et en sang que je m'enfuis. Je garderai de ça des séquelles toute ma vie.